Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 34. Des vices contraires à la charité, et d'abord de la haine. Haine de Dieu, haine du prochain, source de la haine. 1. Peut-on haïr Dieu? David disait, l'orgueil de ceux qui haïssent monte de plus en plus. Psaume 73, 23. Et on lit dans l'Évangile, « Maintenant qu'ils m'ont vu, ils me haïssent et haïssent mon Père. » Jean 15, 24. Il est donc possible de haïr Dieu. Dieu est, par essence, la bonté même, que nul ne peut haïr, aussi la haine de Dieu est impossible dans le ciel. Mais, ici-bas, certains individus dont la volonté dépravée peuvent le haïr, en tant qu'ils le considèrent comme l'auteur des châtiments que méritent leurs crimes. 2. La haine de Dieu est-elle le plus grand des péchés? La haine de Dieu est opposée à l'amour de Dieu, qui est le bien suprême de l'homme, donc elle est le pire de tous les péchés. La volonté humaine s'éloigne par elle-même de ce qu'elle est, comme elle s'attache par elle-même à ce qu'elle aime. Ainsi, dans la haine de Dieu, elle s'éloigne volontairement et par soi de Dieu même, au lieu que dans les autres péchés, dans la fornication, par exemple, elle ne s'en éloigne que par voie de conséquence, en désirant une jouissance déréglée. Pour cette raison, la haine de Dieu ne le cède en gravité à aucun autre péché. Note. Elle constitue au plus haut degré un péché contre le Saint-Esprit, si nous ne l'avons pas rangée parmi les 6 espèces énumérées plus haut, c'est qu'elle se trouve généralement dans chacune de ces espèces. L'infidélité volontaire lui emprunte elle-même sa culpabilité, elle vient de la haine contre la vérité proposée. Fin de la note. 3. Toute haine du prochain est-elle un péché? Celui qui est son frère, dit saint Jean, est dans les ténèbres. 1 Jean 2, 9. Il est permis de haïr le péché et tout ce qui tient au défaut de justice, mais non la nature humaine et la grâce. Mais haïr dans un homme ses péchés et ses défauts, c'est l'aimer lui-même. Donc, à parler dans la rigueur des termes, la haine du prochain est toujours un péché. Note. Par là se trouvent expliquées ces paroles du Sauveur. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne haïsse pas son père et sa mère, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Nous devons aimer nos parents à cause de leur nature, et les haïr en tant qu'ils mettent obstacle à notre perfection dans les voies de Dieu. Il est écrit, les détracteurs sont haïs de Dieu. Romains 1, 30. Dieu est dans les détracteurs le péché, mais non la nature. Nous pouvons les haïr de la même manière. Il en est ainsi de nos ennemis. Ils ne nous sont pas contraires par les biens qu'ils tiennent de Dieu. Sous ce rapport, nous devons les aimer. Mais ils nous sont contraires par les inimitiés qu'ils exercent contre nous. Et c'est là leur péché, à ce point de vue, ils doivent être haïs, puisque nous devons haïr en eux le péché par lequel ils sont nos ennemis. Fin de la note. 4. La haine est-elle le plus grave des péchés contre le prochain? Tout péché contre le prochain tire sa gravité du dérèglement de celui qui pèche et du dommage causé à celui contre qui il pèche. Sous le premier rapport, il y a plus de péché dans la haine que dans les actes extérieurs. Ce qui le prouve, c'est que la haine porte le désordre dans la volonté même de l'homme, laquelle est la source du péché. Les actes extérieurs, malgré leur dérèglement, ne seraient pas coupables, si la volonté n'était pas déréglée. Cela se voit dans l'homme qui en tue un autre sans le savoir, ou par amour de la justice. S'il y a quelque culpabilité dans les péchés extérieurs contre le prochain, elle vient entièrement de la haine intérieure. Quoi qu'il en soit, sous le rapport du dommage causé au prochain, certains péchés extérieurs sont pires que la haine intérieure. 5. La haine est-elle un péché capital? Aimer le bien, principalement le bien divin et le bien du prochain, est ce qu'il y a de plus naturel à l'homme, notre nature ne se laissant corrompre que graduellement par les vices qui lui sont contraires. La haine de ses biens n'arrive qu'en dernier lieu dans la ruine de la vertu. Pour cette raison, la haine n'est point un vice capital. Note. La haine est la preuve d'une corruption consommée, elle est un terme plutôt qu'un principe. Trop souvent on s'imagine que les vices capitaux sont les plus graves de tous les péchés, c'est une erreur. Ils sont appelés capitaux, uniquement parce qu'ils sont la source ordinaire des autres vices. Fin de la note. 6. La haine vient-elle de l'envie? Saint Grégoire a dit avec raison, la haine prend sa source dans l'envie. La tristesse engendre la haine, comme le plaisir produit l'amour, car si nous sommes portés à aimer les choses qui nous réjouissent, parce que nous les tenons pour bonnes, nous sommes portés aussi à haïr celles qui nous attristent, parce qu'elles nous semblent mauvaises. Par conséquent, puisque l'envie est une tristesse que l'on ressent du bien du prochain, elle nous rend ce bien odieux, de cette façon, la haine vient de l'envie. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.